بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. نحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع الجديد مع إخواننا من تخوان وضواحيها، كذلك نحمد الله عز وجل على هذه الزيارة التي نسأل الله سبحانه أن يجعلها مباركة وأن يجعلها لوجهه الكريم جل وعلا. دوك Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le mien. Ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est à qui celui-là? Bah tiens, il sonne. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Qui nous a donc encore facilité cette visite avec nos frères de Tourcoing ainsi que sa banlieue. Et qui sont venus aussi, peut-être de loin, qu'ils sachent que ceux qui sont venus de loin, qu'ils sachent qu'il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, même ceux qui sont venus de près, que celui qui est venu apprendre un bien dans sa religion, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'il avait le hajr, la récompense d'un hajj complet. Donc c'est une ni'ma, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui vient, qui enseigne, et celui qui prend. Donc, Nahmadullah Azza wa Jal, donc encore une fois, on est venu voir nos frères, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous récompense aussi pour la bonne pensée que vous avez sur nous. Car nous sommes simplement des gens qui essayent de se mettre, yani main dans la main pour avancer, pour construire quelque chose dans cette communauté. Et on ne vient pas non plus en tant que enseignant ou en tant que cheikh, comme certains pourraient le penser, abadan. On est venu simplement en tant que, d'abord, frère qui visite nos frères, fi sabilillah, et la deuxième chose, comme on a dit, pour faire un rappel, wa inshaAllah, kama ta'lamouna al-dhikr yanfa'u al-mu'min. Donc voilà. Alors, on m'a, entre guillemets aussi, chargé de faire une conférence, ou plusieurs conférences sur un sujet. Et ce sujet, fil haqiqa, c'est un sujet qui est peut-être court dans le titre, mais qui est lourd en sens. في الحقيقة موضوع هذه المحاضرة يا إخوان طويل جدا لأن العنوان يدل عليه الهداية وأسبابها فهي أو هو هذا العنوان كما رأيت مركب من كلمتين الواحدة منهما قد لا يسع الكلام عنها في محاضرات طويلة فما بالكم إذا أضفناها إلى كلمات أخرى. Pour expliquer tout ça, mes frères, si on prend juste, on dit que le sujet de la muhadara, de la conférence, c'est la guidée. Mais ça, rien que ça, ça suffirait des conférences et des conférences entières, des heures entières, ne suffirait pas juste pour parler de la guider. Alors, comment si on rajoute aussi la guider et ses causes? Ou les causes de la guider? Ou les causes de la guider ainsi que les choses qui empêchent la guider? يعني الأمر يعني قد لا يسع فيه الوقت. Le sujet de cette muhadara, peut être long. Et comme vous, hein, vous savez que je suis un petit peu long moi aussi, on me l'a reproché, on va essayer d'être court, inchallah, pour cette fois-ci. Al-Hidayah, en arabe, veut dire, ou plutôt en français, directement, on va vous le traduire comme cela, c'est la guider. Car, pour parler yani, de la guider, il faudrait parler du but de la création. Pour parler de la guider, il faut parler du but de la création. La guider en elle-même, c'est quoi? C'est l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. À la fin, on va finir par ça comme conclusion. D'accord? Mais on va parler d'abord, comme on a dit, que si on veut parler de ce sujet-là, on est obligé de parler du but de la création. Donc c'est comme si tu parlais de Adam, de la création, jusqu'en verrons maintenant, et ce que c'est comme si tu parlais de bidayat al-khalq wa nihayatu. C'est ça la guidée. C'est comme si tu parlais de quoi? Du commencement ou du début de la création et sa fin. D'ailleurs, il y a un grand livre qui a été écrit par un de nos grands imams, l'imam Ibn Kathir, qui s'appelle Bidayatu al-Bidaya wa al-Nihaya. Et le livre que vous a parlé hier le frère Soufiane, c'était Tabari, c'est ça, hein? Tayyib. Tabari, il a écrit aussi son livre, d'ailleurs que Ibn Kathir a pris beaucoup de lui, c'est Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Hein? C'est l'histoire des communautés ainsi que des royaumes. Il a pris beaucoup de lui. Alors, le commencement de la création, le début de la création, jusqu'à maintenant, ça aussi, ça serait un peu dur. On ne va pas vous donner 7000 pages à écrire. D'ailleurs, on ne les a pas, les 7000 pages. Hein, c'était combien? C'était 7000 pages, c'est ça? 30 000. Ouais, au début, il a dit 30 000. Après, à la fin, il a... Nous, il y a Allah s'il sort avec une feuille, avec les feuilles là, d'ici là. Parce qu'hier, je voyais, c'est vrai, hier j'ai vu, j'ai remarqué, que Soufiane, alhamdoulilah, il nous a donné des paroles bénéfiques. Mais qu'il n'y en avait aucun qui écrivait ces paroles-là. Enfin, moi, ce que j'ai vu. Hein. Peut-être ceux qui sont devant, c'est les plus... Hein. Mais moi, dans mes alentours, comme j'étais derrière, c'est toujours ceux qui sont derrière qui profitent le moins, je ne parle pas pour ceux qui sont derrière aussi. Hein. Et vous pouvez vous rapprocher d'ailleurs, alhamdoulilah. J'ai vu que ça, c'est un défaut que a la personne qui vient écouter un discours. Il note pas. Il dit fil hadith, je dis bien fil hadith, qayyidul ilm bil kitab. Écrivez la science, c'est-à-dire, ou plutôt, comment il dirait qayyidu, qayyidul ilm. Retranscrivez la science, menotez la science, voilà. Menotez la science. Avec quoi? Avec l'écriture. C'est comme une chasse. Ah, j'écoutais. Ah, quelle bonne parole. Je note. D'accord? Et goutte à goutte, ça va, Inch'Allah. C'est avec des petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Et c'est avec les petits cailloux qu'on fait les grandes montagnes. Ça, halala. Donc, il ne faut pas négliger cela. Quand vous écoutez une faïda, une leçon bénéfique, il faut l'écrire. Donc comme on a dit, parler de l'Hidayah c'est long. Et ça serait parler aussi du début de la création et de la cause de cette création. Al-gharadu min al-khalq. Fama min 'abd 'aqil 'ala ikhtilaf jinsihi illa wa huwa yas'alu nafsahu wa law marratan fi hayatihi 'an sabab wujudi hadha al-kawn aw wujudihi fi hadha al-kawn wa limadha khuliq. Alors voilà l'autre point de la muhadara. Tout le monde, tous, noir, blanc, rouge, marron, tout ce que tu veux, toute couleur, tous, peut-être qu'il y en a qui sont nés, on va dire, au fin fond de l'Afrique, ou au fin fond d'un désert, ou au fin fond du Nil, et il y en a qui sont nés, comme beaucoup, ici, dans une banlieue, na'am, ou dans une cité. Et certains sont nés ala ikhtilaf al-ajnas, c'est-à-dire que tous on a une vie, et tous on a vécu, et tous Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis dans un ce qu'on appelle un contexte de vie. Et ça, cette chose-là, yani le fait qu'on, yani le contexte dans lequel on est, hein, il a une influence sur ce qu'on va parler, c'est-à-dire sur les hidayah. Mais la chose qu'il faut bien se concentrer dedans, c'est que tout le monde, et je pense que tout le monde ici est d'accord avec moi, c'est qu'il se pose la question, au moins une fois dans sa vie, pourquoi il est dans ce monde. Sahulala. Je me trompe ou je me trompe pas? Dites-moi si je me trompe. Hein? Non, il se trompe pas. D'accord. Il se pose la question. Ou alors, même s'il ne s'est pas posé la question pourquoi lui il est là, il se pose la question de sur l'existence. Sahulala. Il se pose la question sur l'existence. La cause de cette existence-là, la cause de cette création. Hein? Voilà, quand ça a commencé, ou pourquoi, surtout le pourquoi. Parce que maintenant qu'il y est, il y est dedans. Moi, je me rappelle une fois, quand j'étais petit, je regardais le miroir. Et je disais, mais des yeux, j'ai un nez, j'ai une bouche. Je dis, mais pourquoi j'ai tout ça, moi? Pourquoi je suis là? Et je me rappelle, c'est juste en regardant le miroir, hein, que j'ai songé à ça, et que j'ai commencé à réfléchir à ça. Je dis, subhanallah. Je dis, enfin, je sais même pas si je dis subhanallah à l'époque, hein, parce qu'on était bien égarés. Donc je regardais le miroir, je disais pourquoi ça ici, et pourquoi là les cheveux, pourquoi, et voilà. Et ces petits pourquoi font qu'à un moment il y a un vrai pourquoi, et c'est celui-là qu'on va parler inchallah. Pourquoi j'ai été créé, pourquoi je suis dans ce monde. Wa min an-nas man yumsik 'an al-amr wa yabhathu bi jiddin wa ijtihadin bi qalbihi wa ruhi wa jismihi 'an al-jawab وهو لا يريد إلا شفاء صدره والكشف عن الحق فيه بل قد يطلب ويدعو الله أن يريه الحق وأن يهديه حتى قبل الإسلام إذا كان قد أقر بربوبية الله جل وعلا كما حصل لذلك الصحابي الجليل الذي سنذكر قصته. طيب دونك il y a des gens, quand elle arrive, cette question-là, yumsik, il l'attrape et il cherche. Et ça, vous verrez que c'est des gens qui ont une caractéristique plus, yani qui peut ne pas être donnée à quelqu'un d'autre, c'est la raison, al-aql. Il est raisonnable. Cette personne-là, elle est raisonnable. Elle a cette sifa-là. C'est-à-dire, elle s'est posée cette question-là, mais après, elle n'a pas mis des points d'interrogation et il les a laissés comme ça dans un bout de sa, dans un morceau de son cerveau, hein, et il a laissé la faire passer. Non. Il a attrapé cette question-là et il a commencé à réfléchir. Et il a réfléchi, il a pensé des nuits, des fois il n'a pas dormi, et des fois il a même voyagé pour connaître ça. Comme c'est arrivé aussi avec qui? Avec Salman al-Farisi. Vous connaissez tous l'histoire de Salman al-Farisi qui a fait, hein, celui qu'on a appelé al-Ba'ith an al-Haqiqa. Al-Ba'ith an al-Haqiqa, celui qui a le chercheur, hein, de al-Sa'ada plutôt. Al-Ba'ith an al-Sa'ada, le chercheur de la vie heureuse. Et vous connaissez tous son histoire, hein, l'histoire de Salman al-Farisi, que si on raconte, eh ben, on n'aura pas beaucoup de temps. Taïb. Alors il cherche avec son cœur, il cherche avec son âme, et il cherche avec son corps cette question. Et il réfléchit, et des fois même, et ça je l'ai raconté, et ça j'ai demandé à plusieurs personnes qui se sont converties à l'islam. Je dis, toi c'est quoi qui t'a fait convertir? À chaque fois que je vois une personne qui n'est pas musulmane, je dis, toi c'est quoi qui t'a fait rentrer dans l'islam? Elle dit, moi je savais qu'il y avait Dieu. Moi je savais que Dieu il existait. Mais j'ai demandé à Dieu de quoi? De me guider. Subhanallah. Amman yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, amman yujibu al-muttarra idha da'a. Qui c'est qui exauce l'invocation, hein, ou qui répond à l'invocation de celui qui est angoissé Est-ce qu'il y a une plus forte ou une plus grande angoisse que de connaître le but de cette création, de la guider, de chercher la guider? Est-ce qu'il y a une plus grande angoisse que celle-là? Il y a ou pas? Bon, vous n'êtes pas avec moi ce matin. De chercher cette chose-là, cette question-là, et ça on l'a vu. Alors, je demandais, comment que tu es rentré dans l'islam? Il me dit, moi je croyais en Dieu, et j'ai demandé à Dieu la guider avant l'islam. Allahu Akbar. Il me dit, oui, je savais qu'il y avait un Dieu, et je demandais à Dieu qui me guidait. Ça, je l'ai vu. Et je l'ai entendu de la part de personnes qui sont rentrées dans l'islam. Et on a une histoire avec un sahabi Jalil, avec un compagnon, un grand compagnon, Jubair ibn Mut'im, qui n'était pas musulman à l'époque. Il est arrivé lors d'une prière du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit dans le hadith, وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور فلما سمعت هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال أحسست بفؤاد قد انصرع أحسست بفؤاد قد انصرع. Regardez cette histoire magnifique que nous raconte Jubair ibn Mut'im. Alors Jubair ibn Mut'im, ce compagnon, est arrivé lors d'une prière du prophète, alayhi wassalam. Et le prophète, alayhi wassalam, lisait dans Surat al-Tur. Et à un moment, il y a un verset qui dit quoi? Qui dit, « Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. » Quand il a entendu ce verset-là, il a dit, « Ahsastu bifu'adi qadin sara'. » Il a dit, « J'ai senti mon cœur trembler. » Et, « Kada qalbi an yatir » dans une autre riwaya, il dit, dans une autre version, qu'il dit que j'ai senti mon cœur presque sortir de moi-même. Pourquoi? Parce que les Arabes, même à l'époque, ces Arabes-là, ils avaient un aql, ils avaient une raison. C'est pour ça qu'on dit que plus la raison elle est bonne, plus la raison elle est saine, plus tu as des chances d'être guidé. Et ça, on va parler du aql, dawr al-aql, le rôle de la raison dans la guidée. Taïb. Et bien cet Arabe-là, ce compagnon-là, il a entendu ce verset-là et il a raisonné. Et il a raisonné très simplement. Ce verset-là, déjà, qu'est-ce qu'il veut dire? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Est-ce qu'ils n'ont été créés de rien? Am humul khaliqun, ou est-ce que c'est eux les créateurs? Subhanallah al-azim. Ma a'zamaha min aya liman tadabbaraha wa hiya fil haqiqa ya ikhwan hiya faslul khitab. وهي الحجة البالغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أو لمن كان له أدنى العقل لأنها مقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها فالإنسان إما أن يكون أو إما أن يخلق نفسه وهذا ما قال به أحد إلا رجل ليس له عقل أما وإما أنه وجد من غير خالق فهو جاء هكذا من المعدوم وهذا أيضا لا يقول به أحد. Donc regardez ces muqaddimat, cette petite préface ou ces petites introductions. C'était un raisonnement logique et simple. Lorsqu'il a entendu ce verset-là, c'est simple, c'est soit lui le créateur qui s'est créé lui-même, ou soit on l'a créé. Il s'est arrêté sur ça. Aujourd'hui, on va sortir les fausses croyances là qu'ils ont, qui tiennent même pas debout. Là, la logique a fait quoi? Elle fait qu'il a réfléchi, ce sahabi, et il est donc rentré dans l'islam et il est devenu musulman juste par la cause de ce verset, mais surtout la méditation et le fait qu'il ait raisonné dans ce verset-là. Aujourd'hui, tu es obligé de parler pendant des heures et des heures et des heures, pour juste qu'il admette qu'il y a un créateur à ce monde. Alors qu'avant, c'était plus facile. Parce qu'avant, déjà, ils avaient plus de fitra, ils avaient plus de raisonnement, ils avaient plus de vie simple qui permettait de connaître hein, les choses plus facilement. Et al-ta'if al-ukhra, l'autre groupe, d'abord on va parler, na'am, l'autre groupe, dans ces gens-là, yani aqsam al-nas fil hidayah, yani la catégorie, enfin, comment on dit ça, la division des gens vis-à-vis de l'hidayah, de la guidée, ils se divisent. Alors celui-là, ce sahabi, il a simplement entendu le verset et il est entré dans l'islam. Pourquoi ? C'est un aql. Il avait une raison saine. Et cette raison saine a été la cause qu'il est rentré dans quoi ? Qu'il est rentré dans l'islam. Et c'est de cela qu'on parle quand on dit que la personne doit avoir la raison. Doit avoir la raison, ou la raison est une cause de la guidée. Al-aql est une cause de la guidée. C'est de cela qu'on parle. C'est pas le aql de un tel et un tel et un tel. Parce que si tu prends le aql de un tel et un tel et un tel, tu vas pas finir. C'est vrai ou c'est faux? Donc il faut qu'on soit tous d'accord sur un seul aql, c'est-à-dire sur une seule raison. Et la raison ici, c'est la raison, hein, la raison saine. Al-aql as-sahih. Al-aql as-sahih. Et c'est pour ça aussi que Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il a écrit son fameux livre, hein, qui est Dar Ta'arud al-aql wal-naql. C'est un livre, ce livre-là, c'est un livre qui prouve que les textes, qu'ils soient du Coran et de la Sunna, ils ne vont pas en contradiction avec quoi ? Avec la raison. Mais quelle raison ? La saine. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit raison saine ? C'est une raison qui n'a pas été touchée. Qui n'a pas été touchée par des fausses croyances. Vous avez compris ? Une raison qui n'a pas été touchée par des fausses croyances. Et quelles sont ces fausses croyances ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va prendre une d'aujourd'hui, par exemple. C'est celle que beaucoup de gens répètent, et d'ailleurs c'est ce qu'on enseigne dans l'université de médecine, hein, Masakin, s'ils apprennent ça, les pauvres, le Big Bang, c'est la grande fameuse explosion. Alors premièrement, c'est difficile à s'imaginer qu'il y a eu, avant la création, une grande explosion, le Big Bang. Une grande explosion. Déjà, c'est difficile à le prouver. Mais bon, admettons qu'à la fin, on ait cru en cela. Admettons qu'on ait cru en cela. On se descend à vous et on vous écoute. Comment que cette explosion-là a fait qu'il y ait une création aussi parfaite ? Hein, ça, là, là. Je sais pas, par exemple, il y aurait des visages, enfin, il y aurait des êtres humains, il y aurait beaucoup d'êtres humains qui seraient un peu, à cause d'une explosion, qui auraient un œil ici, qui auraient une bouche là, etc. Yani, ça serait un petit peu un désordre, ça, halala. Mais une explosion, et puis après, il y a eu un ordre complet. Ça, je sais pas, dans votre logique, si ça peut, hein, marcher. Et une fois, justement, j'ai parlé avec une personne de la médecine, hein, qui est en faculté de médecine. Alors que moi, j'étais un pauvre petit gars dans une cité, hein, qui n'avait pas appris, qui connaissait juste que Dieu était le créateur. Hein, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, qui c'est qui a... Je lui ai dit, qu'est-ce que vous dites, vous, dans la médecine, là, par rapport à la création de ce monde et tout. Il dit, ben nous, on voit le Big Bang, on voit la grande explosion qui s'est passée, etc. Et ça, c'est sûr et certain, etc. Je dis, d'accord. Il me dit, oui, parce qu'il y a des preuves, etc. Je dis, d'accord. Je lui ai dit, mais... Mon frère, excuse-moi, j'ai dit, une explosion. Je dis, mais une explosion, il faut bien que quelqu'un la provoque. Je dis, il faut bien qu'il y ait, par exemple, un pétard. Tu prends un pétard, ben un pétard, il y a quelqu'un qui l'a pris, qui l'a construit, etc. Et ensuite, il y a le feu, il y a eu le déclenchement. Je lui dis, et pourquoi pas le même raisonnement pour ça ? Je lui dis, il y aura quelqu'un qui aura déclenché quand même ça. Bouhit al-ladhi kafar. Après, Allah s'est arrêté. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ben en fait, on est encore en train de chercher. Tu as cherché longtemps. Hein? On est encore en train de chercher. Donc, ça, c'est une des fausses croyances, hein, qu'aujourd'hui, elle est enseignée. Elle est enseignée même dans nos écoles. Enfin, dans leurs écoles. C'est pas mon école. Taïe. Et, ou alors, ils viennent alors avec aussi des fausses croyances comme le fait de donner des noms. De donner des noms à l'origine de ce monde. Comme ceux qui disent que, par exemple, ce monde-là, alors ça aussi, j'en ai rencontré un, j'ai tout rencontré, hein, des catastrophes. Je travaillais avec une personne, et un jour, je grattais un arbre comme ça. Il me dit, touche pas à l'arbre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a, l'arbre? Il me dit, c'est Mère Nature. J'ai dit, c'est quoi Mère Nature? Il me dit, c'est Mère Nature, c'est la nature, Mère Nature. Il l'appelait la mère. Pourquoi il n'a pas appelé Père Nature? Pourquoi Mère Nature et pourquoi pas Père Nature? Il me dit, non, c'est comme ça, c'est Mère Nature. Je suis crois en Dieu, toi? Il me dit, non, moi, je crois pas en Dieu, c'est Mère Nature. Allah, subhanahu wa ta'ala, en parlant des Arabes, quand il disait que Lat, hein, c'était leur divinité, Lat al-Uzza, Faraït al-Lat wal-Uzza, wa Manat al-Thalithat al-Ukhra. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset, il dit quoi? In hiya illa asma'un sammaytumuha. Ce ne sont simplement des noms que vous avez donnés. Sammaytumuha, c'est vous qui avez donné ces noms-là. Ma anzalallahu bihim sultan. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais descendu ces noms-là et les a révélés. Donc, alors il se cache aussi derrière des noms, Mère Nature. Parce que quand tu vas chercher, en vérité, il n'y a rien. Ça n'existe pas, hein, Mère Nature, c'est peut-être une déesse qu'ils ont adorée ou une autre chose encore. Taïb. Et il y en a d'autres aussi qui ont dit qu'il y avait deux dieux. Al-Majus, ils ont dit deux dieux. Le feu, la lumière, et quoi d'autre? Et les ténèbres. Alors c'est qui a battu l'autre? Hein? Dans la bataille, c'est qui? C'est la lumière. Allah musta'an. Et c'est pour ça qu'ils adorent le feu. Allah musta'an. Alhamdulillah, alladhi hadana l'islam. Alhamdulillah, nahmadullah azza wa jal. Hein, qui nous a, guidé à l'islam. Alors, et Salman Farisi, hein, son père, justement, était un adorateur de feu. Et il a cherché le haq jusqu'à ce qu'il a eu l'islam, hein, jusqu'à qu'il est rentré dans l'islam. Alors, al-nur wa-dhulma. Donc, ils disent qu'il y avait deux divinités, ou deux dieux, hein, qui seraient à l'origine de ce monde. Ça aussi, ça ne tient pas debout. Taïb. D'autres ont dit que c'était le soleil. Ce soleil qui nous illumine bien, mashallah. D'autres, ils ont dit que c'était le soleil. Alors, le soleil, Cheikh Taqeddin, rahmatullah alayh, il a une petite anecdote avec le soleil. Et il dit que le soleil est une créature. C'est clair, elle a un début. Et il a ramené les paroles des savants, on va dire des savants scientifiques, hein, qui ont étudié le soleil, et ils ont ramené plusieurs preuves que comme quoi le soleil avait une fin. Ils ont dit il a vécu je ne sais pas combien de millions d'années, et il lui reste à peu près 250 millions d'années à vivre, donc voilà, le soleil va avoir une fin. Et il a pris ça aussi, il a appuyé ça par des preuves pour dire que il n'a pas, yani la personne ne peut pas adorer un dieu qui va quoi, qui va un jour, qui va un jour mourir. D'autres y croient en la théorie de qui, hein, cette fameuse théorie Darwin. Alors qui c'est qui la connaît, la théorie de Darwin? Moi j'ai pas très bien compris cette théorie, mais s'il y a quelqu'un qui peut, Abbas, tiens, il est où Abbas? J'ai vu tout à l'heure, il va me l'expliquer, nos gens bien cultivés. C'est quoi la théorie de Darwin? La théorie de Darwin, voilà. Afouane. Arnaud, c'est quoi la théorie de Darwin, monsieur Arnaud? Alors, répète, parce que moi, même là, je ne l'ai pas compris. Je croyais que j'avais compris, mais je n'ai pas compris, en fait. Ça, vous savez, c'est quoi ça? Ça, c'est le kufr, c'est le dalal. Wallah, c'est le dalal, ça. Parce que, regardez, un arabe, les arabes, à l'époque, ils disaient quoi? Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Ils disaient, la crotte, elle est une preuve que quoi? Que l'animal est passé par là. Hein? Subhanallah al-Azim. Et là, alors il nous répète un petit peu la chose là. Qu'un environnement. L'environnement cause les choses qui sont à l'intérieur de lui-même à s'adapter à lui. Bon ben, j'ai toujours pas compris. Hein, c'est un petit peu. En tout cas, ils ont réussi à aussi. Les savants ont répliqué à cette chose-là. D'ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord sur cette théorie d'évolution, l'évolution de Darwin. Est-ce qu'il y a le singe dans Darwin? Il y a le singe, c'est ça? C'est ça, hein? Je crois qu'il y a l'évolution aussi avec le singe. S'il veut dire que son père, c'est un singe, moi, le mien, c'est pas un singe. Hein? Ça aussi, il faut aussi l'admettre. Inch'Allah, que nos parents, c'est pas des singes. Et, na'am, quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Bon, al-muhim, la théorie de Darwin, c'est une théorie qui ne tient pas debout. C'est une théorie qui ne tient pas debout. Et j'ai lu un reportage, moi en tout cas, sur l'histoire de Darwin. Tout à la fin de sa vie, il a des écrits qui disent, dans ses écrits, il dit qu'il y a une force au-dessus de cette création. Il a réussi à la fin de le dire, hein. Il a mis du temps. Mais à la fin, il a réussi à le dire. Et ça, c'est écrit, et ça, ils l'ont caché. Et ça, ils l'ont caché. C'était dans un magazine de science et de vie. À la fin, il a dit que c'est pas possible que toutes ces créatures-là n'aient pas un créateur. Subhanallah al-Azim. Il a mis du temps, mais bon, il l'a dit à la fin de sa vie. Tayyib. Wa minhum man la yuridu al-hidayata asla, bal yuridu hawa. La yuridu ayya milla. كانت بل إلهه كما قال الله تعالى بل إلهه هواه قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Alors il y a d'autres gens qui eux c'est un autre groupe qui ne veulent pas la guider. Ils n'en veulent pas. Et ces gens-là, qui ne veulent pas la guider, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'eux. Et c'est ceux qui prennent leur propre divinité, sa passion plutôt, pour sa propre divinité. Allah dit, « Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa » Ne vois-tu pas celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Ibn Kathir nous dit que cette parole-là, أَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, peut dire deux choses. La première, أي أَذَلَّهُ اللَّهُ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ. أَذَلَّهُ اللَّهُ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ. Ibn Kathir nous dit que cette parole-là, Adallahu Allahu ala ilm, veut dire qu'Allah l'aurait égaré de par la science, de par sa science, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa science, car il savait qu'il le méritait. Car il savait qu'il le méritait. Allah subhanahu wa ta'ala, il a égaré cette personne-là, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il méritait l'égarement. Vous avez compris ça? Donc, ça aussi, on s'était fait. On en tire une leçon. C'est qu'il a guidé Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne l'égarement à celui qui le mérite par sa justice, Jalla wa ala. Et il donne aussi quoi? Il donne la guider par sa grâce à qui il veut. Donc mes frères, lorsqu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala égare des personnes car il le mérite, sois content toi alors quand tu es guidé. Sois content toi alors quand tu es guidé. Subhanallah al-Azim. Et donc, ça c'est la première parole d'Ibn Kathir. La deuxième parole, il dit وَأَظَلَّهُ اللَّهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ وَقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ. Alors, Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, cette autre parole, il dit أَظَلَّهُ اللَّهُ بَعْدَ الْعِلْمِ إِلَيْهِ. Allah l'a égaré après que cette personne-là lui est arrivée la science, ou lui a atteint la preuve. Et ensuite, il a voulu joindre entre les deux paroles, Ibn Kathir, et il a dit وَالثَّانِ يَسْتَلْزِمُ الْأَوَّلْ وَلَا يَنْعَكِسْ. Il nous dit que, ensuite, Ibn Kathir, il a voulu joindre entre les deux paroles, les deux tafsirs, en disant que le deuxième inclut le premier. La deuxième parole, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a égaré, il l'a égaré après que la science lui soit arrivée, et le fait qu'il s'est détourné de cette science-là, le fait que la personne s'est détournée de cette science-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Allah l'a égaré car il le méritait. Yani, tu peux joindre entre tout ça. Vous avez compris ou là c'était un... Voilà. Ibn Kathir. Et il dit Ibn Kathir dans Ittakhadha ilahahu hawah, dans cette parole-là, le fait de prendre sa passion, yani, le fait de prendre sa passion pour sa propre divinité. Ibn Kathir nous dit Ey, innama ya'tamiru bihawa. Ibn Kathir nous dit que c'est comme s'il demandait à chaque fois l'ordre à ses passions. C'est ça que veut dire le verset. Famahma ra'ahu hasanan fa'ala. Tout ce qu'il voit de bien, alors il le fait. Wa mahma ra'ahu qabihan taraka. Mahma ra'ahu qabihan, tout ce qu'il voit de mal, il le délaisse. Naam. ثم قال رحمه الله عليه وعن مالك اي مالك le grand imam مالك فيما روي عنه من التفسير قال لا يهوى شيئا الا عبده. C'est une parole qui est forte. Il dit la yahwa shay'an, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il ait une passion, qu'il lui arrive une passion de faire une chose, qu'est-ce qu'il fait? Il adore cette chose-là. Vous avez compris? C'est encore plus profond. La parole de l'imam Malik. Donc celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, selon aussi le kalam de Ibn Kathir, comme on a expliqué ici, cela est une personne qui est bien égarée. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Parce que beaucoup de gens pensent que, en réalité, l'adoration, ça s'arrête à quoi ? À se mettre devant une statue, à l'adorer toute la journée et à jeter des pièces, ou faire des jeûnes, ou se raser la tête, ou faire des pèlerinages pour cela. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi adorer des idéologies. Il y a des gens, par exemple, qu'ils disent qu'ils sont communistes et en même temps musulmans. Ça existe, ça ? C'est possible, ça ? Le communisme, c'est bien une idéologie. C'est pas une statue. C'est faux. C'est une idéologie. Mais il prend ça comme quoi ? Comme idéologie. Il dit, moi je suis communiste, mais en même temps je suis quoi? Je suis musulman. Ça ne va pas ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Pourquoi? Parce que les communistes, ils disent que la religion c'est quoi? C'est l'opium du peuple. Donc comment lui va dire, il est musulman, et à la fin il va admettre, ou il va suivre ce que disent les communistes, parce que tu n'es pas à moitié communiste. T'es pas un tiers de communiste, c'est toi. Soit t'es un communiste ou soit t'es un musulman, mais tu peux pas être les deux. D'accord? Donc ça, mes frères, il faut bien faire attention à ça. Beaucoup pensent que c'est simplement une statue qu'on adore, mais en réalité c'est pas une statue que tu adores. Ça peut être aussi des idéologies que tu adores et qu'Allah nous en préserve. وَمَا أَكْثَرَهَا الْيَوْمِ. Et combien qu'il y en a aujourd'hui, des idéologies. Il y a des livres, hier on m'a montré un livre, deux livres comme ça, deux moujallettes, deux volumes, remplis de quoi? De sectes. Et sectes c'est quoi? C'est basé sur une? Sur une croyance, sur une idéologie. Alors ils s'inventent, et tu vois, ils s'inventent des textes, ils s'inventent des choses, ils s'inventent des trucs. Celui qui adore Bouddha se rase la tête devant Bouddha et il fait des soujouds. Wallah, ils font des soujouds pendant des heures. Pendant des heures. Aujourd'hui, quand on dit à une personne, ou quand on raconte les histoires des salafs, quand on leur dit qu'ils ont fait des soujouds, des prosternations pendant des heures, ils ne le croient pas. Mais les salafs, eux, avaient une grande foi. Ils pouvaient le faire. D'accord ? Pourquoi on croirait pas ça alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se prosternent pendant des heures devant quoi ? Devant une statue. Subhanallah al-Azim. Donc, ça existe. Il ne faut pas dire que cela n'existe pas. طيب. إذن خلاصة المسألة يا إخوان هو أن للكون خالقا ولا شك في ذلك وأن هناك أقوال من الأئمة من أئمة الإسلام تثبت وجود الخالق كما سنذكره الآن. دونك أخواصا يا إخوان كم ابن العثيمين رحمة الله عليه nous résume lorsque il explique la raison pour laquelle l'humanité a été créée, il nous explique que tu es dans trois cas. Soit tu t'es créé tout seul, comme avec le verset Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, soit tu t'es créé tout seul. Soit quoi? Allez, soit tu t'es créé tout seul, hein? Ou soit quoi? Ou soit quoi? J'entends pas. Ou soit tu es créé, d'accord? Il manque plus qu'encore une chose, c'est laquelle? Hein? C'est celle que tu es venu du néant, tu es venu du ma'doum. Comme ça, tiens, un homme est venu. Lui, cette personne-là, tu lui dis, tu vois le mur là, tu vois le mur, comment il est fait, comment il est peint, tu lui dis, est-ce que tu peux me dire que ce mur-là, il s'est fait tout seul? Qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, il va dire, oh ben non, il ne s'est pas fait tout seul, jamais de la vie. C'est comme ça qu'il faut leur parler, les frères. Parce qu'ici, c'est pas en France, majoritairement, sauf dans les campagnes, mais majoritairement, c'est quoi? C'est beaucoup des athées, soi-disant athées qui ne croient pas en Dieu. Il faut leur parler toujours de quoi? Des raisonnements, avec ce qui peut raisonner. Tu dis, comment ça? Une fois, Kamel, par exemple, m'a raconté une histoire, il avait parlé avec qui? Il avait parlé avec le mécanicien, c'est ça, Kamel? Hein? Il avait parlé avec le mécanicien. Et il a essayé de lui faire da'wa avec la mécanique. Il dit, tu vois ce moteur-là, si je te dis, il s'est fait tout seul. Il me dit, bah non, c'est pas possible. Ah, pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Pourquoi tu ne crois pas en Créateur? Au moins, crois en Créateur. Et وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ, celui ensuite qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, au moins en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah inshallah le guidera s'il voit en lui du khair. Alors qu'est-ce qu'ont dit les grands a'immat al-islam, les grands imams de l'islam à ce sujet-là, sur la raison ou sur l'existence de Dieu? Il y avait des philosophes à leur époque. Il y avait la philosophie grecque, il y avait la philosophie toutes les formes de philosophie là, qu'ils avaient, mais en grande majorité il y avait la philosophie grecque. Alors l'imam Malik, un jour ils sont venus le voir, et lui par contre, lui qu'est-ce qu'il avait dit lorsqu'on lui a posé la question sur l'existence d'Allah? Istadalla bikhtilaf al-lughati wal aswat, tout simplement. L'imam Malik, il a pris comme dalil que les gens, ils avaient des langues différentes, d'accord? Ils avaient des langues différentes. Ces langues-là, il faut bien qu'elles soient enseignées. C'est vrai, c'est faux. Ces langues-là, il faut bien qu'elles soient enseignées. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a, hein, ça prouve qu'il y a une origine à leur langue. Et comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, dit dans le Coran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَى كُلَّهَا, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné quoi? Les noms. D'accord? Donc ça prouve qu'il y a une origine. Et que tous les fils d'Adam, lorsque tu lis, rien que le fait qu'ils ont une langue différente, ça prouverait quoi? Chez l'imam Malik, il disait, ça prouve qu'ils ont un créateur. Même les sons différents, subhanallah al-azim, mes frères, les voix, c'est pas ajib ça? Tout le monde a un visage, tout le monde a une voix, tout le monde, et c'est différent. C'est pas ajib ça? Et ça, il le prenait aussi, l'imam Malik, comme dalil, pour dire qu'il y avait, pour prouver yani, l'existence du créateur. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lorsqu'ils lui ont posé la question, lui, il a dit, il s'est basé sur une chose, sur la feuille du fraisier. Il a dit, ta'muhu wahid. Il a dit que son goût est unique. Ou le fait de le manger, son goût est unique. Ensuite, il dit, ta'akuluhu d'oud. Ta'akuluhu d'oud. فيخرج منه الإبريسيم, c'est ça? إبريسيم, tu connais ce mot là? والله أعلم الدود يخرج منه الإبريسيم, il te dit يعني c'est l'insecte ou le ver de soie. والله أعلم, c'est un tissu, hein, qui sort de là d'une bête. Il te dit la feuille de fraisier, voilà, il y a un insecte, il vient, il la mange et sort de son ventre quoi? On vient de dire إبريسيم. الله أعلم, ça doit être un tissu, hein. Allah alam, j'ai pas regardé ce mot là. Et na'am, wa ta'kuluhu an-nahl fayakhruj minhu al-'asal. Et tu dis, et nahl, l'abeille vient, elle mange, et de quoi? Qu'est-ce qu'elle sort de cela? Elle sort le miel. طيب. Wa ta'kuluhu ash-shat wal-baqara wal-an'am. Et ensuite les bestiaux, les ovins et les caprins, etc. Hein? Le mange, et de cela sort quoi? Bon, on va éviter de le dire. Hein? Vous savez ce qui sort, hein? Des chèvres et des vaches. Donc, et il dit ensuite, وَالضَّبَا تَأْكُلُهُ الضَّبَا فَيَخْلُجُ مِنْهُ الْمِسْكِ. Et il dit, regardez, وَالضَّبَا, c'est la gazelle, il dit, elle le mange, et il sort de cela quoi? Le musc. C'est-à-dire le musc que vous connaissez tous. Subhanallah, une seule chose, elle passe par un corps et elle est une autre chose suivant l'animal qui la prend. Ça, c'est un dalil qu'il y a un créateur. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, il parle de ça aussi. Et il parle au moment du verset dans surat Dhariyat, c'est ça? Surat Dhariyat, au tour tibienne. وفي أنفسكم أفلا تبصرون c'est Dhariyat. Alors Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, il en parle dans le verset dans وفي أنفسكم, et dans vous-même il y a des signes, أفلا تبصرون, et dans vous-même il y a des signes, hein, ne voyez-vous donc pas, barakallahu fik, faut m'aider en français comme je dis toujours, ne voyez donc pas. Ce verset là Ibn al-Qayyim, pendant combien de pages y a Khan à Sufyan? Pendant combien de pages il a parlé de ça, de ce verset-là? Plus de 100 pages. Il a pris ce verset-là et il a commencé à parler de la création. Ah, pourquoi ton œil il est comme ça, tes oreilles sont comme ça, ainsi que ta bouche, ainsi que ça, ainsi que ça. Avant, à l'époque, il méditait sur la création. Il méditait sur la création. Et beaucoup de A'immat al-Islam, et surtout Ibn al-Qayyim, il a aussi un autre livre, c'est Miftah Dar Sa'ada. Miftah Dar Sa'ada, ce livre-là aussi également, il a parlé de la création. Et Allah nous demande, et plusieurs fois, hein, il nous ordonne de méditer sur sa création. Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la-ayat li ulil albab. Et dans la succession des jours, inna fi khalqi as-samawati wal-ard, et certes dans la création, hein, des cieux et de la terre, et la succession du jour et de la nuit, la ayat li ulil albab, il y a des signes pour les gens doués de cerveau. Et on parle de quoi? Tout à l'heure on a parlé du aql. Vous regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du aql. Mais quand il parle du aql, est-ce qu'il parle du aql de un tel ou un tel ou un tel? Non. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le aql, il a une importance. Et c'est un pilier aussi dans quoi? Dans l'acceptation de la guidée. Vous me suivez ou pas? Dans l'acceptation de la guidée, le aql, il a une importance. D'accord? Mais ce aql, on est obligé de le remettre, comme on a expliqué, on est obligé de le remettre à quoi? Lui donner une définition. Parce que le aql de Bouzaïd, c'est pas le même aql que d'Arnaud, et le aql d'Arnaud, c'est pas le même que Abdelhaq. D'accord? C'est pas les mêmes aql. Donc on est obligé de les mettre quoi? On est obligé de lui donner une définition, de le haddad, de le limiter, ce aql-là. Et c'est quoi? C'est al-aql salim. Et c'est pour ça aussi que Ibn Taymiyyah, comme on a dit, il dit, et il ramène cette règle-là, il dit, wal-aql as-sahih, ou l'aql salim, la yu'aridu an-naql as-sahih. Il te dit que la raison saine ne va pas en contradiction avec quoi? Avec les textes authentiques. Subhanallah al-Azim. Ça ne va jamais en contradiction. Si tu penses qu'il y a une contradiction, c'est toi qui as un manque de science. C'est toi qui n'as pas compris cette chose-là. Mais sinon, le texte, s'il est authentique, et la raison, elle est aussi saine, eh ben, les deux, ils vont aller ensemble. Les deux, ils vont aller ensemble. Taïb. Et il a fait un grand livre. Ce livre-là, il est grand. Il a expliqué toutes les formes de croyances et tout qui existaient, etc., dedans. Et il y a une ta'ifa, il y a une secte qui... pourquoi on parle de ça, du aql? Parce qu'il y a une ta'ifa, une secte qui ont utilisé le tahsin et le taqbih. Ces deux règles qu'ils avaient, cette ta'ifa, ce groupe-là, égaré, il avait une règle, c'était quoi? C'était al-tahsin ou al-taqbih. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est qui cette secte-là? Cette secte-là, c'est le Mu'tazila. Le Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, cette chose, elle est bien que si notre aql va en cohérence avec cette chose-là. D'accord ? Et cette chose, elle n'est pas bien si notre aql dit qu'elle n'est pas bien. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent parce que nous, on revient au texte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur nous, qu'il nous a, parlé, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que les versets, que les versets que Allah subhanahu wa ta'ala avait révélés étaient pour les gens doués de raison. Alors nous sommes doués de raison, et nous, on peut juger si la chose, elle est bonne ou si la chose, elle n'est pas bonne. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez les Mu'tazila ? Il s'est passé qu'eux-mêmes, ils n'avaient plus le même aql. Ils n'avaient plus la même raison. Alors certains ont dit, ah non, c'est pas comme ça qu'il faut le juger, ce truc-là. Et l'autre, on dit, non, c'est pas comme ça qu'on doit le juger. Et d'où aussi l'interprétation mauvaise des textes. Vous avez compris ? Vous avez compris aussi pourquoi il y a eu aussi... Et après, il y a eu ce cheminement jusqu'à ce qu'il y ait eu les sectes et les fausses croyances, etc. etc. D'accord ? Donc, les Mu'tazila, ils ont cette règle-là. Et Ibn Kathir, dans le verset, quand on a cité « Wa adallahu allahu ala ilm », il dit « Wa qad yakunu fi hujja ». Il se peut qu'il y ait en cela une preuve contre qui ? Contre ces gens-là. Pourquoi ? Parce que eux, en vérité, ils regardaient quoi ? Leur hawa, leur passion. Ils regardaient leur passion et disaient « Tiens, ça va en cohérence, ça va en concordance, ça va pas en concordance. » Un peu comme certaines sectes, qu'on n'a pas envie de citer aussi, aujourd'hui, qui utilisent cette chose-là. Vous avez compris ? Qui utilisent la raison. Et nous, on dit toujours quoi ? On dit, c'est pas le aql de un tel. La raison que Allah nous demande, c'est quoi ? C'est la raison saine. Barakallahu fikoum. L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, lorsqu'on lui a posé la question sur l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit, « Ha huna ihisnun ». حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز فبينما هو كذلك إذا انصرع جداره فيخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. Regardez comment il réfléchissait sur des choses simples. L'imam Ahmed, quand on lui a posé la question sur l'existence d'Allah, il a dit, regardez, on voit là une forteresse qui est bien gardée, et de son intérieur, on voit comme de l'or, et dans son extérieur, on voit quoi ? Comme de l'argent. Et lorsque cette forteresse se casse, il y a quoi ? Il y a un petit animal qui entend et voit et qui a une belle image et un bon son qui sort de lui. Et c'est quoi cette forteresse là? Ben c'est l'œuf, hein? Oh, si on n'a pas demandé, oh, bon bref, une forteresse, là même c'est un peu dur à deviner, c'est vrai. C'était pas une charade, hein? Mais bon, je pensais qu'il y en avait plus qui comprenaient l'arabe. Allah musta'an. Taïb. Donc le fait de prendre un œuf, le fait yani, de méditer sur un œuf, l'imam Ahmed avait juste médité sur un œuf pour dire quoi ? Pour dire qu'il y a eu l'existence, hein, pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez tous aussi l'histoire de l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, hein, lorsqu'il a dit ce radeau, est-ce qu'il est venu tout seul ? Est-ce qu'il a pu se construire tout seul ? Lorsque des gens lui ont parlé et ils ont débattu avec lui sur ce sujet-là, sur l'existence de Dieu, il leur a dit, est-ce que vous voyez, ne voyez-vous pas une barque qui part et qui va vers tel endroit, et qui va vers tel endroit, et qui ramène telle marchandise, etc., etc., toute seule ? Est-ce que c'est possible ça ? Et l'imam, les gens qui ont débattu avec lui ont dit, non, c'est impossible. Il dit, comment que ça peut être impossible ? Et vous voyez qu'il n'y a pas d'existence, hein, un créateur de ce monde-là qui est aussi bien fait et aussi bien créé. Allah subhanahu wa ta'ala donc a créé cette création. Allah dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous maintenant on va se référer au texte. Parce qu'après les fausses croyances, si on en parle, dhulumat kathira, les ténèbres sont nombreuses. Mais nour wahid, mais la lumière est unique. Taïb. Et al-dhulumat, les ténèbres, ce qu'on veut dire par les ténèbres, c'est par les égarements qui existent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. C'est lui le créateur de ce monde-là. Allah dit dans le Coran, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, أَفَحَسِبْتُمْ, pensez-vous hein, que vous avez été créés comme cela sans but, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, et que vers nous, vous ne reviendriez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, c'est Al-Hakim. Parmi ses noms, c'est le sage. Allah, il a créé ce monde-là pour une chose. Et c'est laquelle? Al-Ibadah, l'adoration. Tayyib. Et il le dit aussi dans un autre verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et si maintenant on regarde dans cette création, quels sont les gens qui ont plus parlé d'Allah et qui ont appelé plus à Allah, hein? Les Anbiya, les prophètes, d'accord? Si on regarde dans cette création, c'est qui a parlé le plus d'Allah et qui a prêché le plus les gens vers Allah, c'est qui? C'est les Anbiya, c'est-à-dire les prophètes et les messagers. فَبَيَّنَ اللَّهُ الطَّرِيقَ بِوَسِيلَةِ إِرْسَالِ الرُّسُلِ فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ دَعْوَةً إِلَى اللَّهِ وقد تتابع الواحد منهم بعد الآخر من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم السلام أجمعين إخراج البشرية من الضلال إلى الهدى من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى donc a par ce moyen là a envoyé des êtres humains et ces êtres humains là étaient bien guidés par Allah. Et de Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur mission était une seule. Leur mission était unique, c'était de quoi? De sortir l'humanité des ténèbres et de les ramener vers la lumière. La lumière qui est quoi? Qui est ce sujet-là qu'on parle aujourd'hui? Al-Hidayah, Al-Huda. Tu peux l'appeler Al-Hidayah, tu peux l'appeler At-Tariq As-Sawi, tu peux l'appeler aussi As-Sabil. Elle a plusieurs noms. Tu peux l'appeler Al-Islam, tu peux l'appeler de plusieurs noms comme c'est venu dans Al-Qur'an. Mais à la fin, ça revient à une chose, c'est quoi? C'est l'Islam, Allah Azza wa Jal, l'Islam qui veut dire soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et donc, Allah nous dit dans le Qur'an, وَلَقَدْ بَعَثْنَا, ce qui prouve ce qu'on dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes, nous avons envoyé à toute communauté un prophète, adorer Allah. C'était ça la mission hein, des prophètes. C'était de ordonner à leur peuple qu'ils adorent Allah et qu'ils ne lui associent rien du tout. Taïb. Et tous ces prophètes ont dit à leur peuple, comme c'est venu dans le Coran, wa'budullah, ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez votre Seigneur, adorez Allah, ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez votre Seigneur, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui. Toutes les fausses croyances, il faut les mettre de côté. Il n'y a qu'une seule guidée, c'est laquelle? C'est celle de se soumettre à Allah. Tayyib. Et de l'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Nous n'avons pas envoyé avant toi un prophète sans qu'on lui ait révélé qu'il n'y ait pas de divinité à part moi qui mérite d'être adoré. Fa'boudoun, c'est-à-dire donc adorez-moi. Donc voilà la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde. Et le Huda, ils ont donc appelé à cette guidée. Quelle heure là? خلاص يكفي 5 minutes. طيب. Et Al-Huda, les savants l'ont défini en disant en arabe: هي الطريق الموصول الى اتباع شرع الله ولولا الهدايه لكان العبد ضالا لا يعرف الخير من الشر. Alors les savants ont donné une définition à la guidée. Ils ont dit que c'était la voie qui amenait à suivre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que sans cette guidée-là, la personne ne connaît ni le bien et ni le mal. Elle connaît ni le bien ni le mal. Que ça soit dans la croyance, que ça soit que ça soit dans la croyance, ou que ça soit dans les œuvres, hein, ou dans les mu'amalat, comment ils disent les mu'amalat, hein, les rapports, na'am, les rapports, hein, qu'il y a entre les humains, etc. Taïb. Parce que notre dîn, alhamdulillah, il a regroupé tout cela. Et si on dit qu'il y a une guidée, c'est que forcément aussi, il y a un guide. Et parmi les noms d'Allah, il y a Al-Hadi, le guide. Taïb. Et il a été, ce nom-là, cité deux fois dans le Coran. Le premier, c'est lorsqu'Allah dit « وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » Certes, Allah guide ceux qui croient en lui « إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » vers la voie droite. C'est dans Surat Al-Hajj, le verset 54. Et Allah aussi nous donne ce nom-là, nous cite ce nom-là dans Surat Al-Furqan. Le verset 31, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا » Et ton Seigneur suffit comme guide et celui qui te rendra victoire. Et c'est celui qui te rendra victoire. Donc, « Al-Hadi » c'est un des noms d'Allah Jalla wa'ala. Et les savants ont donné aussi la définition de « Al-Hadi » c'est-à-dire du guide, en disant « هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما ويتقي ما يضره أو يتقى واتقى ما يضره. طيب الله سبحانه وتعالى donc ce nom là les savants ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient dire, ils ont dit que le guide c'était celui qui guidait ses serviteurs et qui leur montrait, c'est celui qui aussi montre leur le bon chemin à suivre, que ce soit dans leur dunya, dans leur vie d'ici-bas, et l'au-delà. Et c'est celui, par ce nom-là, par lequel aussi Allah subhanahu wa ta'ala, yani Allah subhanahu wa ta'ala guide les gens qui sont proches de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par ce nom, Al-Hadi, il guide aussi Al-Hayawan, c'est-à-dire les animaux, hein, dans ce qu'ils ont besoin. Et ils ont donné comme exemple, hein, comme Haywan, comme exemple, que lorsque vous verrez, subhanallah, Allah, comment il a fait, khalaqa thumma hada, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé, tout de suite, hein, il a guidé instinctivement, il a donné, hein, des choses instinctives, hein, dans la création, qui font que elle ne va, yani, que dans leur masalih, elle ne va que dans leur, hein, comment dire, que dans leur avantage. Par exemple, lorsque naît une bête, hein, bon, on va prendre l'exemple par exemple d'un veau, et bien il va directement vers sa mère et qu'est-ce qu'il fait? Il tète tout de suite, subhanallah l'adim. Personne ne lui a jamais rien. Ça, subhanallah, ça prouve que c'est un khalaq. Yahi, subhanallah. Comment, c'est qui lui a enseigné ça? La guider. Une chose intérieure, instinctive, fait que il doit aller vers la chose et ensuite il. Même l'enfant, même ton enfant continue. Quand l'enfant il sort, la première chose qu'il demande c'est quoi? Vous savez tous c'est quoi qu'il demande. Hein, il cherche la chose qui va le reposer, hein, qui est le sein de sa mère. Donc voilà, si on m'a demandé 5 minutes, on va s'arrêter là. Barakallahu fikoum. Jazakumullahu khair. Subhanakallahu wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.